pardon. J'avais même commencé avant l'antenne. Avant que Nicolas me dise antenne, j'étais déjà parti. Évidemment, c'était pas évident de faire rentrer, de faire sortir tout le monde, mais c'était tellement beau juste avant, ça valait vraiment le coup. Donc, faire sortir tout le monde pour faire rentrer Bulle de Rêve, parce que c'est bien sûr Bulle de Rêve en ce moment même, en direct, sur Radio Libertaire, forcément, 89.4. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné le studio. On va donner le numéro du studio et on laisse Florentine. Elle le fait très bien. Bonjour, donc le studio, c'est au 01 43 71 89 40. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez évidemment des questions. Aujourd'hui, on va faire une émission... je voulais commencer par quelque chose, en fait. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais... vous savez que je suis prof, je vous le dis de temps à autre. Et tous mes étudiants ne jurent que par une personne en ce moment, qui est Robert McKee. Alors à chaque fois, on me le fait dans toutes les écoles, au Gobelin, à l'MK, et ça, on me dit oh, « Et Robert McKee ?» Et t'en penses quoi de Robert McKee ? Alors, faut arrêter un petit peu avec Robert McKee. Robert McKee, je vais vous expliquer qui c'est. C'est pas que c'est un mauvais bougre, hein, ce monsieur. C'est ces gens qui viennent d'Hollywood et qui, vous savez, qui écrivent des livres du style « Comment faire d'un bon scénario un très bon scénario » et qui font ensuite des petites conférences comme ça, qui sont payées 4000 euros pour 4 jours, j'exagère à peine, où on vous dit oh, « Voilà, en fait, un bon scénario, c'est ça. » Et après, évidemment, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on ait l'impression qu'il des doctrines, etc. Donc ils disent « Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez et toute règle est bonne à transgresser. » Oui, enfin bon, c'est-à-dire quand on donne des règles aussi à faire, forcément, beaucoup de gens les suivent. Donc voilà, je voulais poser un petit coup de gueule avec Robert McKee, et donc l'obligation, vous savez, d'avoir, là, à la 20e minute, en plus c'est sur du long métrage, donc en plus nous, en court métrage d'animation, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Non, parce qu'évidemment, c'est pas le même format, donc c'est pas la même écriture. On reviendra évidemment sur le week-end de Fontevraud, on devait avoir peut-être aujourd'hui, on l'a pas fait, donc on va garder ça pour le 1er décembre, avec normalement Arnaud Demoingue, des films du Nord, Richard Nègre, hein, Florentine, Richard Nègre, ouais, voilà, qui produit lui-même ses films, qui s'autoproduit, et on aura sûrement un étudiant, enfin voilà, on aura plusieurs personnes, et on parlera de nouveau des écritures. Mais voilà, je voulais justement, c'est un coup de gueule contre McKee et l'hollywoodisation un petit peu du cinéma, comme on sait bien le faire. Aujourd'hui, forcément, comme on est une émission de cinéma d'animation, on parle de ce qui est devenu l'événement du monde de l'animation chaque année autour du 28 octobre 1892, j'ai fait dire 1992. Quoique, on se demande si l'animation est pas née il y a 20 ans. Oh, on reviendra. Hey, 1892, on est quoi ? Ça fait 120 ans donc ? Wow, c'est classe. Donc on va parler de la fête de l'animation. Alors je suis content parce qu'on va parler avec, évidemment elle vient à chaque fois, mais c'est un plaisir évidemment de la voir, c'est Juliette Crochu, bonjour. Bonjour. Voilà, donc toujours des gens de l'AFCA, vous savez, on est obligé, hein, il y a deux mois c'était le nouveau directeur, le nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, délégué général, ils sont tous des noms différents, de l'AFCA qui était là, j'espère qu'il va revenir pour nous parler un petit peu. Aujourd'hui c'est Juliette, donc c'est très bien. L'année prochaine elle ne pourra pas venir, on va vous expliquer pourquoi, enfin voilà. Donc voilà. donc on est content de la voir. Elle va faire une espèce de duo incroyable avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Voilà, vous nous faire un agenda croisé. Je sais pas, ils se sont préparés juste avant l'émission. J'espère que ça va être assez rock'n'roll. On va voir si ça marche. On reçoit, alors ça me fait plaisir. On va parler d'un monsieur dont on parle assez peu ici, et pourtant la fête de l'animation est basée sur lui. Donc on reçoit Christelle Audoux, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler d'Émile Reynaud. Donc c'est un peu à lui qu'on doit cette date de la fête. Donc on va un peu parler, on va voir un peu quel est ce personnage, parce qu'on le connaît finalement assez mal. Oui. C'est en fait Abby Feijoux qui va choisir cette date pour faire la fête de l'animation. Tout à fait, voilà. Lorsqu'il était président de la CIFA. De la CIFA, oui. C'était... Je pourrais faire une émission sur la CIFA, ce serait pas mal. Non. Je rigole. C'est qui le directeur de la CIFA en ce moment ? C'est Nelson Chin, mais ça va changer puisqu'il y a des élections au mois de novembre et du coup, voilà. Olivier Gatran se présente ? Non, il se présente pas. Ouais, je vois bien, voilà. Olivier Gatran. Donc la CIFA, c'est l'Association internationale du film d'animation. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où. Oui, t'as raison, c'est vrai, c'est bien. Non, c'est bien, tu fais bien. Donc l'AFCA, c'est l'Association française du cinéma d'animation, bien. Et qui est le représentant de la CIFA en France. Ok. Vous étiez fâché à un moment donné, non ? Oui, il y a longtemps, avant Michel Oslo. C'est grâce à Michel Oslo que nous sommes parce de nouveau dans la CIFA. L'AFCA, c'est ça, était dissident de la CIFA. Peut-être, j'étais pas née en fait. D'accord. Je ne me souviens pas. Wow, comment ça s'en revient. Notre générique, on le doit à un monsieur qui s'appelle David Wingo. Et on va entendre que de ça aujourd'hui. Donc voilà, on va faire très peu de coupures. Après, la seconde coupure, enfin on va dire la première vraie coupure, qui a peut-être duré 7 minutes. Ouais, je vais faire quelque chose, on va faire quelque chose. Ou 3 minutes, ça dépendra, on verra bien. C'est donc David Wingo et c'est la BO de Take Shelter. Take Shelter, c'est un film que je vous conseille réellement, c'est absolument étonnant. C'est un film américain qui montre un homme qui tombe dans la paranoïa, dans la schizophrénie, à cause d'orages qu'il croit venir. Et le film, il se passe quasiment rien dedans. Comme quoi, on peut le faire aussi aux États-Unis. Et une espèce de mélange assez étonnant entre le meilleur de l'Asie au niveau de la réalisation et des États-Unis, et c'est absolument incroyable. Take Shelter, qui à mon avis sûrement l'un des plus beaux films, je crois qu'il a dû sortir en début d'année et qu'elle est sortie maintenant en DVD. En deuxième partie, on parlera, alors que ça continue à chanter, c'est pas mal, de l'autre côté c'est plutôt bien. C'est dommage, ils auraient pu rester pour nous faire le générique de ce dont on va parler en deuxième partie, qui va être les Shadok. Ça fait longtemps, hein, c'est quand même un événement important, et je le montre pour que Nicolas voit pourquoi. Voilà le livre, on va le passer, comme ça Nicolas va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur ce livre. Il y a un livre incroyable qui vient de sortir de plus de 400 pages sur les Shadok, avec des storyboards, des dossiers, des choses comme ça. Enfin, c'est absolument incroyable. Alors, je l'ai reçu, pourtant, on n'est pas tellement dans l'exemplaire de presse à Radio Libertaire et à Bulle de Rêve. On dit pas parce qu'on nous envoie quelque chose en presse qu'on va les inviter. Mais quand j'ai reçu ça, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour parler quand même d'un des événements majeurs. Et je me disais que c'était pas mal, parce qu'on a Émile Reynaud qui est un pionnier. Et on va avoir les Shadok qui sont aussi des pionniers au niveau de la télé. Des pionniers qu'on n'a pas forcément fait beaucoup de petits. On va voir si Émile Reynaud en a fait un peu plus que les Shadok, mais qui finalement se retrouvent souvent... Qu'on finit, on va dire, pas en léguant ce qu'ils auraient dû, autant de choses qu'ils auraient dû léguer, à mon avis. Donc, on va en reparler après. Voilà, donc ça, c'était... Bonjour, Florentine. Bonjour, Alexis. Ça va bien ? Ça va bien, et toi ? Ça va bien. Comment avance le film ? Les auditeurs veulent savoir. Maintenant, c'est un peu une espèce de... C'est la série, à chaque fois, maintenant, ça sera... deux tiers du découpage. OK. Donc, la prochaine émission en novembre, peut-être que je te dirai que c'est enfin fini. Enfin, le storyboard. Le storyboard sera fini. Le storyboard. Génial. Et donc la pression. Non, c'est pas la pression, c'est une espèce de feuilleton. Le fleuve, oui, c'est ça, de feuilleton. Le feuilleton, est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce qu'on a les résultats sont officiels de Bru? Alors ils seront publiés en fait les réalisateurs qui ont eu les résultats. D'accord. Les réalisateurs et les producteurs, mais les résultats en fait seront publiés publiquement, on va dire, cette semaine. Lundi ou mardi. On peut le dire. On peut le dire. On peut dire que Florentine. Ah oui. On peut dire que Florentine donc, est en compétition avec son film Sommeil paradoxal à Bru. Bravo. Après, moi, je ne connais pas tous les résultats parce que je suis tellement dans la fête du cinéma d'animation que je n'ai pas vu tous les films. Et donc, si vous serez à Bru, il y aura normalement une double ration de Florentine, puisque non seulement il y aura donc Sommeil paradoxal, et en plus, on m'a demandé de faire avec The Web Anime des pépites du web, comme ils disent, comme Festival de Bru dit. Et donc, on aura Le dernier film qui est fini, mais complètement fini cette fois-ci. En avant-première mondiale. Trop classe. Merci beaucoup. Comme ça, je peux le dire en direct devant tout le monde. OK ? OK. C'est parti. On vous écoute pour parler maintenant de la fête de l'animation. Je ne sais pas comment vous organisez. Je vais commencer, je pense. Donc, pour rappeler en deux mots ce qu'est la fête du cinéma d'animation, elle le fait dans toutes les autres radios qui ne connaissent pas, alors qu'elle vient tous les ans et que vous savez exactement. Mais l'année dernière, c'est un discours rodé. Si vous réécoutez l'émission de l'année dernière, vous remarquerez que je n'avais pas de voix. Donc, je ne sais pas si les gens OK, alors vas-y, en deux mots. La fête, c'est un événement qui démarre aujourd'hui officiellement. Jusqu'au 31 octobre, qui a lieu partout en France, dans plus de 200 lieux, et en même temps dans 50 pays à travers le monde. Donc voilà, l'idée étant de promouvoir le cinéma d'animation sous toutes ses facettes pendant toute cette période. Voilà. Alors cette année en France, je ne vais pas faire un catalogue de la fête, je vous encourage plutôt à aller sur le site qui est dédié à l'événement, je le dis, www.fete-cinema-animation.fr. Ça la trouble, par Florentine. Voilà, allez sur le site, il y a tout le programme, vous pouvez choisir par date ou par région ou par département. Tu sais bien qu'on demande toujours le tiret, c'est celui du... C'est celui du 6. Mais de toute façon, vous allez dans Google, vous tapez fête du cinéma d'animation, je suis sûre que vous allez tomber dessus. tout de suite. Pas fête de la Nîmes, parce que c'est pas la même chose. Non, la fête de Google. La Nîmes, c'est autre chose. C'est à Lille, oui, tout voilà. à fait. C'est la fête qu'on fait. Alors, donc, juste, je vais vous dire un peu les grands axes de la fête, et puis après, je... Voilà. Alors, cette année, nous avons mis à l'honneur le cinéma d'animation croate. On s'inscrit, en fait, dans une saison qui a été lancée par Institut Français, qui est, en fait, le Festival de la Croatie en France. Ils ont appelé ça Croatie, la voici. Et nous, avec l'Agence du court-métrage et l'ADAV, qui est donc l'association qui permet aux médiathèques et aux bibliothèques de pouvoir montrer prêter des DVD, en fait, à leurs lecteurs, on s'est associé et on a monté un programme de 9 films d'animation croate contemporains pour faire découvrir ce cinéma d'animation qui connaît un renouveau depuis une dizaine d'années. Il faut dire que l'animation yougoslave a toujours été très forte, évidemment avant la guerre, et que maintenant il y a Mais historiquement, un renouveau, c'était lié plus ou moins à Zagreb Film, et maintenant il y a plein de nouveaux studios qui se sont ouverts, et du coup on avait envie de mettre à l'honneur cette animation, et voilà, en s'inscrivant dans cette saison. Et du coup, on a le programme a été monté, va circuler en salle de cinéma, en médiathèque, et va pouvoir être emprunté du coup par des lecteurs dans les médiathèques. Et donc il y a à peu près une trentaine de projections programmé jusqu'à fin décembre. Comment ça, emprunter ? Et bien donc, il y a un DVD qui a été édité et qui sera disponible en médiathèque pour les gens qui ont envie de profiter du programme. Très bien. Voilà. Et donc, nous, on a invité deux réalisateurs dont les films sont présents dans le programme à venir. Donc, ils sont actuellement en France. Et donc, je vais juste vous dire où est-ce qu'ils vont passer. Comme ça, si vous avez envie de venir assister à ces projections accompagnées. Donc, cet après-midi, il y en a un qui est à Calais, c'est Marco Mestrovic. Mais sinon, donc, Marco Mestrovic et Veljko Popovic seront tous les deux à l'école Georges Méliès lundi 22 après-midi. C'est pour une masterclass. C'est ouvert à tout le monde ou... C'est avant tout réservé aux étudiants de l'école. D'accord, parce que si tu veux aller les gens jusqu'à Orly pour que finalement on leur dise non. Je pense qu'ils pourraient rentrer, mais avant tout pour les étudiants de l'école. Donc si vous n'êtes pas au courant, les étudiants de l'école, venez. D'accord. Et sinon, il faut appeler avant, si jamais vous dites je veux absolument. Mais sinon, donc, ils seront à Ris-Orangis au cinéma Les Cinoches le lundi soir. Enfin, ce sera Veljko. Le lendemain, à Saint-Fargeau-Pontiri. Pareil, séance du soir à 20h, 20h30. Et Veljko va aussi aller près de Saint-Étienne, à la Ricamari, en médiathèque, le 24 octobre, donc ça c'est mercredi. Alors moi je vous conseille quand même le film de Marco Mestrovic, que je préfère, personnellement. Alors, celui qui est un peu plus barré, noir et blanc, et des trucs un peu, voilà. Voilà. Donc ça c'est notre focus. Après la fête, on n'impose pas au lieu en fait, de faire des focus, mais il y en a toujours qui suivent ce focus, ou pas. Et qui font leur propre programmation. Donc, il y a plusieurs thèmes qui ressortent un peu cette année. Donc, il y a toujours, pendant la fête, des séances autour de l'animation japonaise. Donc, il y en aura cette année notamment à Nîmes, à la bibliothèque Carré d'Art, et à l'ENSAD. Donc, il y aura une séance. Toujours juste, on peut dire, la bibliothèque Carré d'Art, quand même, on peut juste dire, parce que c'est vrai que quand des lieux les plus fidèles de la fête du cinéma d'animation, ils font un vrai effort de programmation à ce moment-là, avec des projections rencontres. Des ateliers, souvent une exposition, et voilà, c'est un des lieux vraiment les plus actifs de la fête. Donc voilà, là ils font quelque chose autour de l'animation japonaise. Les festivals de Clermont et d'Annecy vont projeter un best-of de l'édition 2012, ça aussi c'est assez classique dans la fête, ça permet de revoir les meilleurs de ces deux festivals. Alors, il y a plusieurs écoles qui se sont inscrites dans l'événement cette année en proposant des projections accompagnées de rencontres ou des conférences. C'est notamment le cas de l'école Isard Digital qui fait une conférence sur les effets spéciaux le 23 octobre. Ça, c'est une conférence gratuite. Il suffit juste de s'inscrire sur leur site. Donc, Isard Digital, c'est à Paris. Isart. Voilà. Et Digital, voilà, si vous voulez taper sur Internet. L'EMCA recevra Nicolas Schmerkin de la société de production Autour de Minuit, autour d'une conférence sur le thème de l'hybridation. Ça, c'est le 25 octobre, donc c'est à Angoulême. Le mot à la mode, qui veut rien dire comme tous ces mots à la mode, mais ça fait du bien dire hybridation. Oh, wow, on dirait la une de l'Express, vous savez, ce genre de magazine ridicule. Vas-y. Et l'ENSAD, donc l'École Nationale Supérieure des Arts Déco, à Paris, rend hommage à l'animation japonaise le mardi 30 octobre, en montrant notamment des films de l'Université des Arts de Tokyo. Ouais, là, c'est la Gaidai. Voilà. Allez-y, c'est super rare, c'est dur à voir. On les a vus déjà. Ils sont passés notamment à Beaubourg. C'est le même programme. Donc, il m'a bien prévenu que c'était le même programme. Donc, si vous l'avez déjà vu, bon, ça peut toujours valoir le coup, parce que c'est dur à voir. C'est pas disponible la plupart sur internet, et il y a qu'un DVD qui est disponible au Japon, mais assez cher. Donc voilà, donc n'hésitez pas à profiter, surtout que c'est gratuit aussi. Oui, c'est ça, aussi donc, gratuit. Voilà, après je vais passer, il y a un certain nombre de ciné-goûtes et ateliers d'initiation qui se passent pendant toute la fête. Là, je vous invite à aller sur le site, hein, je vais pas trop m'étendre. À ne pas rater une rétrospective sur le cinéma slovène et croate à la BPI le week-end du 26 au 28 octobre. Donc en fait, c'est un peu le week-end phare, hein, du 26 au 28, parce qu'on est vraiment... tout proche de la journée mondiale, donc il y a ce cycle-là. Olivier Catrin fait une projection autour de la sensualité dans les films d'animation le 26 octobre à Ris-Orangis, au Cinoche, parce que là aussi, les Cinoches, c'est un cinéma qui fait plein de choses pendant la fête du cinéma d'animation. Ouais, d'ailleurs, j'y serai le 30 pour faire quelque chose sur le documentaire animé au Cinoche, voilà. toujours là-bas. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un... Qui se bouge beaucoup par rapport à l'animation. Ouais, c'est vraiment je vais faire un peu de promo pour l'AFCA, au passage. Et au passage, si évidemment c'est la responsable de la BPI un jour veut bien daigner venir nous parler à l'émission, c'est avec plaisir. Hein, on l'invite tous les ans, mais elle ne veut pas venir. Donc malheureusement, c'est dommage, je pense que ça pourrait aider aussi à remplir un petit peu plus les salles. Donc en fait, Christelle va vous parler un peu d'Émile Reynaud, mais c'est vrai que nous, cette année, du coup, pour rendre hommage à Émile Reynaud et les 120 ans de la première projection publique des pantomimes au musée Grévin, on a plusieurs actions. Donc, d'abord, une exposition qui a lieu à la mairie du 9e arrondissement, dont on a fait le vernissage hier soir, qui va durer jusqu'au 31 octobre. Et autour, donc c'est vraiment une expo, je pense que Christelle le développera, voilà, autour d'Émile Reynaud, de sa vie dans le 9e et des jouets optiques. Voilà, et donc, on organise une conférence le 25 octobre avec l'arrière-petite-fille d'Émile Reynaud, Sylvie Sarins, qui va parler un peu de la vie de son arrière-grand-père. On propose des ateliers d'initiation pour les enfants, mais aussi les adultes, le samedi 27 octobre. Il y en a de plus en plus de petits-enfants, non? le petit-fils d'Émile Kohl, de la Lisa Starevitch, de... Oui, mais c'est un peu grâce à eux. Des petits-enfants et de... Ouais, qui, mais ils font vivre le patrimoine de leur famille, c'est plutôt bien. Ouais, donc cette année, on s'est associé. Et pour finir, nous, donc, on fait une projection sur la Péniche Cinéma le 26 octobre. Et là, on va projeter en fait le best-of des prix Émile Reynaud, c'est-à-dire ce sont les prix que les adhérents de l'AFCA attribuent à un film pendant le Festival National du Film d'Animation, qui était avant à Marly, puis à Auch, et maintenant à Bru. Donc on fait une projection d'un best-of. Oui, depuis Marly. Un best-of des années 80 à nos jours. Une sélection. Oui, on va dire une sélection. Mais bon, on a... C'est qui a fait la sélection? Moi en partie, avec certains membres du conseil d'administration. D'accord, donc on va avoir des films vraiment de toutes les époques. Et en présence notamment de certains réalisateurs, notamment Juliette Loubière, Émilie Mercier, Merwan Chaban, peut-être Florence Miaille, voilà. D'accord, du beau monde. Voilà. Bon, je vais pas trop m'étendre. Il y a plein d'expos à voir. Il y a plein de projections rencontres. Florentine fait un atelier sur la peinture. Voilà, allez voir sur le site. Voilà, parce que je vais laisser un peu la parole à Rémi. Pourquoi c'est une volonté, ça a baissé, c'est moins de jours. Est-ce que c'était important de... Oui, c'est vrai que l'année dernière, ça durait un mois. C'était la 10e édition, donc on avait voulu marquer le coup et essayer de lancer l'événement sur un mois. Mais on s'est rendu compte que finalement, il y avait autant de lieux et autant d'événements que sur 15 jours. Donc on est revenu à une forme plutôt sur 10 ou 15 jours. Du coup, ça permet de concentrer en fait l'événement. Voilà. En termes de communication et de concentration d'événements, ça marche mieux. Et il y a quelque chose d'étonnant, ça marche. Parce que évidemment, quand on dit... l'animation croate, c'est pas forcément la chose qui est la plus les évidente à faire marcher. Tu disais que c'était, au contraire, les programmes étaient énormément diffusés. Ouais, c'est vrai que chaque année, l'agence du court-métrage nous propose des programmes, mais cette année, le fait qu'on se soit associés et qu'on a mobilisé tous nos moyens en termes de choix de films et aussi de communication, et du coup, c'est vrai que on est plutôt satisfaits. 20 projections sur la fête et encore une dizaine jusqu'au mois de décembre, c'est très satisfaisant. Je pense que ça vient du fait qu'on a peut-être mieux préparé aussi les programmateurs, les films ont été visionnables en ligne assez tôt sur la plateforme de l'agence du court-métrage, on s'est associé à l'Institut français pour communiquer, enfin bon. Voilà, le fait de mutualiser des moyens, c'est un peu à la mode aussi, et visiblement ça a l'air de marcher, et je crois que c'est vraiment de notre mission à l'AFCA, de faire découvrir des cinématographies étrangères, et je pense que la fête est un bon moment pour le faire. Elle commence à super bien parler à l'AFCA. Ouais. Je pense que c'est notre mission à l'AFCA. Non, mais c'est on vrai, sent qu'il y a un nouveau délégué général. On est à la fois là pour montrer et valoriser l'animation française, mais je trouve que c'est aussi dans notre mission de... Tu m'étonnes. Et là, c'était un bon moment, voilà. Et donc, il faut préparer vite l'émission. Et bien, donc, je commence déjà à réfléchir à l'édition 2013. Ouais, ouais. Bah oui, parce que bon, quand même. Pour enchaîner. Bah oui. Puis ça sera chargé le mois de septembre 2013. Donc, ok, j'arrête d'embêter Juliette avec ça et avec sa vie privée. Rémi, c'est alors, à toi. Moi, je vais parler des trucs dont tout le monde se fout parce que ça ne concerne pas la fête de l'anime. Mais oui, mais justement, on va voir. Si, on va y voir. En a quelques-uns qui sont. Il y en a quelques-uns, oui, je vais évoquer. Oui, ça va faire super plaisir. À mon avis, il n'y a plus personne qui t'envoie les nouvelles maintenant. C'est... Ok, nous, on a une nouvelle dont tout le monde se fout. Vous voulez bien la mettre dans le truc de l'AFCA. On t'écoute. Je vais commencer avec les festivals. Il y en a deux qui se terminent demain, donc il faut se dépêcher un peu. Le Festival international du film de cour de Lille. Alors cette nuit, de 21h à 6h pour les insomniaques, il y aura la nuit de l'animation. Ouais, y allez pas. Elle est vraiment pas bien installée. Non, mais oh, il y a Berserk en long métrage. Il y a Rango. Ça va, on l'a vu et tout. Non, putain, j'aime bien, mais il faut aller le voir. Il y a le Palmy Pedarium qui était en compète, Edmond était un âne. Il y a plein de choses super intéressantes qui sont. Donc, faut aller voir les programmes. Au contraire, c'est vrai que là, je suis un petit peu déçu par la fête de l'anime qui est fun. Hein. Moi, les étudiants qui vont, et c'est vrai qu'il y a le côté qui est un peu plus pour s'amuser qu'autre chose, mais bon. Ok. J'ai dit que je te coupais pas trop, donc on va essayer de pas le faire. Je fais avec. Ah, quand même un peu dans la fête, parce que Juliette vient de m'apprendre que c'était initié par la fête d'animation, le festival 16 000 Toons, dont j'avais un peu parlé la dernière fois. Donc, ce sera l'occasion de voir ou de revoir Couleur de Pommiel. Parce que ce sera la dernière séance demain à 17h, si je me souviens bien. Donc, à la Cité de la BD à Angoulême. Les autres festivals, alors, il y a le festival Courmétrange à Rennes. Je m'en étais un petit peu moqué la dernière fois, parce qu'il passe une nuit du fantastique où il y a un truc sur Metal Hurlant qui n'a rien à voir avec le film que j'adore. Donc, alors, tu t'es fait engueuler. Je pensais que tu disais ça pour leur éviter. Je me suis fait engueuler, donc maintenant je redis leur festival pour m'excuser. Mais ouais, non, les gens n'osent pas m'engueuler. Non, il y a quelques séances qui ont l'air sympas, notamment le 25 octobre, il y a une séance qui s'appelle Le volume est trop fort. Il y aura notamment Bad Toys 2, que j'avais vu il y a quelques temps, qui est pas mal. Mais tu ne vas pas aimer, j'en suis sûr. Il se retient de dire quelque chose. Enchaîne. Il y a aussi, il était plusieurs fois où ils passeront. Edmond était un âne. Là, c'est bien quand même. Ah, oui. Le festival du film d'animation pour la jeunesse à Bourg-en-Bresse. Alors, il y aura des bons trucs comme La Colline aux Coquelicots. Il y aura des trucs moins bons comme La Tempête de boulettes géantes. Eh ben non. Tu l'as vu, Tempête de boulettes géantes? J'ai vu que des extraits. C'est un super bon film. C'est très très bien. J'ai pas si la suite, mais non, très très bon film hollywoodien. Non, mais très très bon. Non, très très bon Tempête de boulettes géantes. Je testerai alors. J'avais un a priori. Eh ben moi aussi, mais c'est très très bon. Si ça se trouve, Le Magasin Difficile est très bien aussi. Non, ça c'est vraiment mauvais. C'est pas de me. Non, c'est juste pour t'embêter. Ça, c'est bien. Le festival Voix d'étoiles, alors ça c'est bien parce que ça va parler de quelque chose dont on parle très peu souvent dans l'animation, c'est les voix de doublage. C'est vrai qu'on n'en parle jamais ça. Mais en fait on en parle uniquement quand des acteurs à la con font des voix sur des gros trucs, mais en effet pas des vrais acteurs qui sont là depuis des années, qui travaillent, voilà, donc c'est bien. Donc ça c'est du 31 c'est pas la première, hein, ça doit être le deuxième ou troisième. C'est la septième. Septième, non, oh là là. C'est un festival international. Ça passe vite, Juliette, en effet. Et c'est du 31 octobre au 4 novembre. Alors, il y a le festival Jeanlin. Ça, c'est toi qui m'en avais parlé, je me souviens. Un festival sponsorisé par une bière, c'est forcément classe. Oui, forcément. Donc, la remise des prix, ça sera le 25 octobre. Et vous pouvez voir tous les films sur Internet. Avec même une histoire un peu étrange, visiblement, un food anime. Vous regardez ça sur food anime avec quelqu'un qui... ça va être de plus en plus à la mode. Quelqu'un qui a piqué un film ailleurs, qui a mis son nom dessus et qui l'a mis. Enfin, il y avait, c'est ça, hein. Comme dans beaucoup de concours, il y avait un vote des internautes. Et il y a aussi plein de problèmes qui sont liés, de gens qui font voter, etc. Donc, ils ont finalement annulé le vote des internautes et ils ont demandé au jury de voir tous les films et de choisir parmi tous les films. Parce que le vote des internautes devait d'abord sélectionner une dizaine de films qui seraient passés au jury. Donc là, le jury doit visionner tous les films et il n'y a plus le vote des internautes, ce qui est plutôt bien. Ben oui, c'est un peu ridicule ce vote des internautes qui était souvent un peu. Ouais. Et je crois que pour envoyer un film, c'est fini, il me semble. Ouais, je crois que c'est fini, tout à fait. Ça devait être le 14, je crois. Il y a mon premier festival aussi, qui est pour les enfants, mais pas seulement. Ah si, attends, je vais dire un truc qui va te plaire quand même. Donc ça sera du 31 octobre au 6 novembre pour la 8e édition. La marraine, ce sera Julie Gaillet qui a déjà fait Paris Cours de Vent. Et il y aura une fenêtre sur le cinéma japonais avec Koji Yamamura. Ouais, c'est génial. Non, c'est vraiment, ça n'a pas loupé. C'est lundi 5 novembre. Ouais. On a tous retenu. 20h30, il sera au studio Ursuline. C'est un grand monsieur. C'est vraiment sûrement l'un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est rare de le voir en France. La dernière fois qu'il était venu, c'était à Fontevraud. Il avait fait une masterclass. Et ben voilà, ne loupez pas. Enfin, si vous aimez l'animation, si vous aimez le cinéma tout court, et si vous aimez quelqu'un qui aime partager et qui parle bien de son métier, lundi 5 novembre, sur les Ursulines, Koji Yamamura. Il faut réserver. Hein. Et il faut réserver, je pense. Voilà. Et puis, moi, j'arrive en retard. C'est animé par Ilan Nguyen. Et ça sera évidemment, bien sûr, l'inévitable Ilan Nguyen qui a travaillé, en plus, qui est l'assistante de Koji Yamamura. Enfin, travaillé avec lui. Donc, je pense que voilà, ils ont plein de choses qu'il connaît bien. Non, ça va être vraiment bien. Ouais, ouais. Tu vois qui est bien ce festival. Ah, mais très bien. Non, mais même, j'ai des mêmes surpris. Mon premier salle, il y a des tonnes de programmes de courts-métrages qu'on voit pas, qui sont montés spécialement pour le festival. Il y a un effort de programmation. La seule chose, c'est que c'est le mercredi et le samedi. C'est des horaires pour les enfants et c'est compliqué des fois. Mais sinon, c'est. Alors, pas seulement. Le problème, moi, qui ça fait longtemps que j'y vais, le problème, c'est qu'effectivement, c'est comme c'est pour les enfants, la priorité est donnée aux familles et aux enfants. Donc, ils remplissent d'abord la salle avec. Et s'il n'y a plus de place, et bien. Tu sais ce qu'on fait. On va ensemble et moi, je et on fait un truc comme ça. Mais ils ont beaucoup de succès. Ils font vraiment. Il y a plein de films. Il n'y a pas que des avant-premières ou de films qui sortent en salle. Il y a aussi des ressorties. Il y a des programmes spéciaux. Il y a plein de choses. C'est incroyable. Plein de programmes de cours qui sortiront jamais en salle. C'est hallucinant. Regardez le site. C'est vraiment très bien. Mon premier festival. Regarde. Ouais. Et un dernier festival, le festival L'œil vagabond. J'ai pas très bien compris le concept. Apparemment, il tourne un petit peu du 28 octobre au 30 à Saint-Lunaire. Du 3 au 6 novembre, après 9 Val-André, et après un peu n'importe où en Côte d'Armor de novembre à décembre. Donc L'œil vagabond, en tout cas, faut regarder, c'est facile à souvenir. L'œil vagabond. Et donc il y aura apparemment des films comme Le Gruffalo, Ernest et Célestine, des ateliers. Enfin, regardez leur site, il y a plein de trucs. Les ateliers. Il y a Kino Fabrique qui fait 2 ateliers. Qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Non, vas-y. Ça a l'air de t'ennuyer, Kino Fabrique. Non, pas du tout, je ne connais pas du tout ces ateliers. Donc du 29 octobre au 2 novembre, il y a un stage d'initiation avec Louise Brisseno, et du 5 au 9 octobre, un stage réalisation avec Linda Cerqueda. Et il y a les 3A aussi du 29 au 31 octobre, plus le 2 novembre, pour un atelier qui s'appelle de la BD au cinéma d'animation. 3A, c'est Atelier de cinéma d'animation d'Annecy. Voilà, parce que je les confonds. Pas confondre avec 3A Productions. Qui seront là tout à l'heure, justement. Qui seront... Et puis, ils sont bien, ceux d'Annecy, parce qu'ils m'engagent, donc ils sont bien. Dans les événements projections, j'ai mis dans le désordre, c'est pas grave, il y a Benjamin Rabier, le film de Marc Faye, qui sera le 3 novembre à 16h à Médiathèque Maurice Genevois. Donc, lors la dernière émission. Oui. Au Forum des images, il y a les après-midi des enfants. Alors, il y aura Élémentaire, mon cher Jerry, de Anna Barbera, le 27 octobre à 15h. Moi, je n'irai pas le voir parce que j'ai fait une overdose de Tom et Jerry quand j'étais gamin, à cause de Cartoon Network, que je déteste maintenant. Mais à voir en salle, je pense que c'est... Parce que moi, je suis habillée, je les avais vus à la télé plus jeune, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément des cartoons en salle. Faut que Juliette y aille, on va laisser partir Juliette. Merci beaucoup. De rien. Qu'il faut qu'elle, c'était avec plaisir. Elle va de fête en fête, de projection, elle boit beaucoup dans toutes ces... Regardez le site de la fête, c'est le plus important. Voilà. Un dernier petit coup de pub juste avant de partir. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous. Rémi. Alors, il y aura aussi quelques trucs autour d'Aimanter mon cher Jerry. Il y aura The Fresh Vegetable Mystery de Dave Fleischer. Freshard de Fritz Freilang et Private Eye Popeye de Seymour Knettel. J'ai bien prononcé les noms étrangers cette fois. Très bien. Waouh. Qu'est-ce que je voulais dire? Au Forum des images, il y a aussi un concours jusqu'au 30 novembre limite. Donc il faut faire un film de 5 minutes sur la rue du cinéma. Ok. Dans laquelle est le Forum des images. Toutes techniques confondues, ça peut être l'animation ou de la prise de vue réelle, mais l'animation c'est quand même mieux. C'est sûr. Un concours T'es fou jusqu'au 5 novembre, je sais pas si c'est... Non, tu peux passer. Oui, je peux le taire. Ah, mieux quand même, il y a un défi fou organisé par Fou d'Anime. Exact, un défi des fous qui est sur Dracula. Dracula. Ouais, très bien. C'est à quand? C'est jusqu'au 16 janvier. Parfait. J'avais une bonne idée pour Florentine avec du sang animé, mais elle n'en a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. À la télé, il y a Court-circuit le 26 octobre avec Mort d'un insecte de, alors, je vais avoir du mal avec les noms cette fois, Anne Vantianen et Pekka Vekolainen. Ouais, un film très intéressant. Mmh. Ouais, qu'il faut voir, ouais. Et Les Fêtes d'hiver. Alors là, Énoiler les enfants, ça ne va pas être joli. Apparemment, il y aurait plusieurs membres des studios Disney qui seraient impliqués dans une affaire de viol collectif sur la fée Clochette. Qu'est-ce que tu nous fais ? Eh oui, il y a Clochette et le secret des fées qui sort le 23 octobre, parce que quand on n'a plus d'idées, on fait des spin-offs pour la quatrième fois. Tu m'as fait peur. Fait ça aurait été drôle. C'est comme les fous. C'est toi qui l'as engagé, hein, Florentine. Après, faut enchaîner, par contre, c'est là où t'es mal, c'est là où t'es plus mal. En tout cas, il ne faut pas voir Clochette et le secret des fées, c'est honteux. Le lendemain, par contre, il y a le jour des corneilles qui sort de Jean-Christophe Dessin. J'en pense pas grand-chose, donc. Bon, t'aimes bien Francis ? Il y a Francis Gavel qui est là. J'adore quand Francis est là. Ouais, Francis Gavel est avec nous. Bonjour Francis. Il a son émission bonjour, juste après. Non, tu pas d'émission moi aujourd'hui. Ah, t'es là juste comme après, ça. C'est l'émission de Bernard Payen, Contrebande. D'accord. Et il reçoit entre autres Alice Vinocourt, la réalisatrice d'Augustine, et donc je viens écouter l'émission. Ah, attends, c'est bien. Tu viens jamais écouter notre émission. Nous. Si, la preuve, je suis là et je viens de voir un court-métrage d'ailleurs. Sommeil paradoxal. De Florentine Grelier, Sommeil paradoxal. Très donc bon film. Tu vas lui dire en direct ce que voilà, tu penses. Que je trouve que c'est très bien. D'accord. Voilà, c'est fait. C'est des critiques en direct. T'as aimé Jean des Corneilles ? Je suis un peu mitigé, mais je veux écouter d'abord ce qu'il m'en a dit. Ah, ben non, mais il a moi, c'était juste pour donner les dates, je ne l'ai pas vu. D'accord. Allez, il faut être honnête. C'est qu'il y a deux univers qui se mélangent, qui ne fonctionnent pas ensemble, quoi. C'est-à-dire un univers un petit peu, comment on pourrait dire, de la nature, un peu façon Miyazaki. C'est un peu une tarte à la crème de dire maintenant façon Miyazaki, dès que c'est la nature, en tout cas dans un film d'animation, sinon on dira que c'est Jeff Nichols pour te reprendre, et le panthéisme quand c'est en prise de vue réelle. Mais là, effectivement, il y a ça. Et puis de l'autre côté, alors un film plutôt réaliste, une histoire sur fond de guerre, avec un personnage qui essaye de retrouver la trace de lui-même, de sa famille, et surtout de sa mère, quoi. Et les deux ont beaucoup de mal à fonctionner ensemble, parce que d'un côté on va avoir un style réaliste mais en même temps un petit peu caricatural, et puis comme ça une profusion très très belle de décors, et on a l'impression que l'un est collé sur l'autre et qu'il n'y a pas de profondeur. Et en fait, je l'ai vu à Annecy quand il y avait eu l'avant-première, et je me rappelle d'une réflexion avec de quelqu'un que tu connais bien, et on se l'est fait en même après le film, on se l'est fait pareillement, donc c'est Gilles Cuvelier. Et on a eu une espèce de réflexion, on avait l'impression de voir un film en prise de vue réelle, et il y a une première scène qui se passe dans le village. Alors avant, on est dans la forêt tout le temps, juste avec le personnage principal, et d'un seul coup, il arrive dans le village, il y a des militaires qui passent dans ce village, il y a comme ça une fête, on a un peu l'impression que c'est 14-18, quoi, la fleur au fusil, on part au combat, et puis il y a une foule, et la réflexion qu'on s'est fait, c'est, mais la figuration, elle est pas bonne, quoi. Et on avait l'impression que, voilà, les acteurs jouaient faux. Et donc les acteurs du film étant donc ces personnages dessinés, on s'est dit les animateurs quand ils les ont dessinés, ils ont joué faux, quoi. Voilà, donc c'est un peu le retour, mais je n'en dirai pas plus. Il parle bien, hein. C'est agréable d'avoir du Francis Gavel. Je m'en vais dans l'émission. Non mais vraiment, j'ai même plus rien à dire tellement je suis d'accord. Mince. Merci alors, beaucoup. Pas de conflit. Non, pas de conflit, peut-être sur les prochains, mais en tout cas là, non, bravo. Oui, il va y en avoir des conflits. Ok. 10-11 Dunes, Pougne le hérisson, c'est un film collectif. C'est pas toi qui avais écrit quelque chose sur The Web Anime ? Oh, bah Pierre Lugrand, c'est toujours. J'ai pas vu, tu l'as vu toi, Francis ? Oui, je l'ai vu. C'est dans le style des autres, c'est ça ? Pierre Lugrandjon, très joli. C'est la très... suite de court-métrage. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que dit Florentine. Ouais. C'est la suite, c'est le nouvel opus, quoi. Hein, ce qui va permettre à Pierre Lugrandjon maintenant de passer au long métrage, parce que comme il a fait 4 moyens. Un métrage, voilà. Il a fait les 4 saisons comme Vivaldi, donc maintenant c'est voilà, bon. C'était facile celle-là. J'ai l'impression d'être au masque et la plume. Mais attends, alors, on est des vrais journalistes, super bons et tout. Ok, le prochain. Alors le 31 octobre, Frankenweenie, c'est là que ça fâche, j'imagine. Non. C'est juste, tu disais qu'on n'a pas d'idée, c'est juste le problème. Ouais. Moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si Francis, parce qu'il va à tous les projets de presse, donc il l'a peut-être déjà vu. C'est pour ça que c'est bien. Lui, on sent qu'il est un vrai professionnel par rapport à moi. Donc Frankenweenie. Bah écoute, moi j'ai passé un bon moment en le voyant. Alors c'est amusant d'en parler maintenant parce que je suis en train de lire, là va sortir en point seuil les entretiens de Tim Burton avec Mark Salisbury. Donc c'est la somme d'entretiens. Et donc évidemment, là on entend parler du premier Frankenweenie, 25 minutes, prise de vue réelle. Et donc aujourd'hui, bah, on voit le nouveau Frankenweenie avec beaucoup de moyens. Techniquement, il n'y a rien à dire. Le film, il est parfait tout en étant un peu bricolé. Donc on retrouve le côté déglingue qui est cher à Tim Burton, ça fonctionne bien. Après, moi je sais que c'était un échange avec un autre journaliste qui disait oui, le film il est plutôt pas mal, mais ce qui est dommage finalement, c'est qu'au bout du compte il rajoute plein d'éléments, mais il n'y a plus tout ce côté finalement les méchants et les monstres sont peut-être les plus à plaindre et là le film évacue un petit peu ça. Quand on a été Tim Burton enfant, marqué par King Kong et par le côté fragile des monstres, là d'un seul coup on a des monstres de pacotille quoi. Et toute la séquence de fin dans la fête du village, la fête pour la Hollande millénaire, puisque voilà, on est dans une ville marquée par son empreinte hollandaise, c'est vrai que ça a un côté grand guignol. Alors c'est un grand guignol qui fonctionne et qui a une très belle patte graphique, le noir et blanc, ça c'est une très bonne idée, mais c'est vrai qu'on se dit bah voilà, j'ai vu un bon spectacle. Et on est en train peut-être un peu de se dire, enfin en tout cas moi peut-être un petit peu, que Tim Burton en ce moment c'est quand même un peu moins bien quoi. Et ça fait un bout de temps hein. Et le dernier évidemment et premier donc gros échec visiblement de Burton, le film n'a pas du tout marché, donc c'est à dire qu'il n'a pas réussi à convaincre les Burtoniens et il n'a pas non plus réussi à convaincre les autres, donc ça veut dire que c'est un petit peu peut-être que justement là c'est un signal d'alarme pour lui. Et le film a fait que 11 millions lors du premier week-end, ce qui est vraiment très mauvais aux États-Unis, et battu de très très larges coudées par Hotel Transylvania de Denis Tartakovsky, que pas forcément à mon avis très bon. Enfin, j'ai vu en streaming très rapidement, ça avait pas l'air très bon. Ouais, je vois des films en streaming parce que je suis pas invité au projet de presse. Vas-y, continue Rémi. Donc, un petit dernier, le 31. Billy à la découverte du monde sauvage de Oh Seong-yoon. J'ai bien prononcé. Coréen. Ouais, oui, mais c'est truc un peu ridicule, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas ouais, ça, on passe. S'en fout. Et j'ai terminé. Et t'as terminé ciné, mais j'ai une annonce à faire parce que j'oublie à chaque fois. Une petite annonce pour toi personnelle? Non, d'accord. L'agenda, tu m'as fait m'envoyer les infos, pas au dernier moment, à l'adresse sitafka@gmail.com. Sitafka comme ça? C'est oui. Pas très beau comme sitafka, S-I-T-E. S-I-T-E-A-F-C-A. C'est parce qu'avant, je faisais la mur professionnelle de AFK et j'ai gardé l'adresse. Oui, mais vous auriez News AFK, c'était plus juste sitafka. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, Francis, de la fête de l'anime, avant qu'on passe à Émile Reynaud? Qu'est-ce que toi, tu penses d'une fête comme ça? Toujours le même problème, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'en a pas besoin, est-ce que ça nous met dans un petit ghetto, est-ce que c'est mieux que le César de l'anime, est-ce que c'est moins bien que le César de l'anime? Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas lancé? T'as rien lancé, parce que je crois que les deux ont rien à voir, parce que d'un côté on est à destination du public et de l'autre côté c'est la filière cinématographique elle-même qui récompense un de ces secteurs quoi. Donc après sur la forme on pourrait y revenir, mais c'est pas le lieu. Après moi la fête de l'animation, je trouve que justement ce qui est intéressant dedans, c'est le fait d'aller vers le public et que le public peut découvrir des choses comme ça dans une période plus carrée où tout est organisé autour. Donc il y a une communication, allez, employons des grands mots, même à Radio Libertaire, qui peut se faire de manière peut-être plus institutionnalisée et avec un soutien des médias. Donc ce qui fait que d'un seul coup, bah voilà, on voit l'animation est mise en avant. Mais je dirais que c'est la même chose pour le mois du documentaire, quoi. Donc pourquoi refuser cette mise en avant? Après, on pourra en penser ce qu'on veut sur ce qui est proposé ou pas. Bon, là, la Croatie, je trouve que c'est bien parce que c'est un pays qu'on connaît pas forcément bien en termes d'animation. On révise ses classiques, on découvre les nouveaux auteurs. Et que ça, c'est toujours une chose importante quand on va être au cœur de l'animation en train de se faire. Merci beaucoup, Francis. On va passer à Christelle. Merci infiniment, Francis, d'être venu nous voir. Non, c'est toujours un bonheur de t'avoir.